بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Donc on était resté sur l'histoire de Abu Talib qui part avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'avait que 12 ans. Il est parti au Sham avec lui pour du commerce. Donc Ibn Kathir dit: كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات. كما رواه الترمذي dans son جامع, c'est-à-dire سنن الترمذي, qui est appelé الجامع, جامع الترمذي, avec une chaîne dont tous les rapporteurs sont ثقات. Et le hadith est établi, les authentiques, sauf la fin, comme on va voir inshallah. من تظليل الغمامة له, avec l'ombre faite par le nuage pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc des miracles qui ont eu lieu à ce moment-là alors qu'il avait que 12 ans. وميل الشجرة بظلها عليه, et le fait que l'arbre l'a ombragé. وتبشير بحيرة الراهب به, et le fait que بحيرة le moine a fait la bonne annonce en voyant les signes qui le touchaient. وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. Et il a ordonné à son oncle Abu Talib de retourner avec lui à Mecca afin que les juifs ne le voient pas et qu'ils ne lui fassent pas de mal s'ils voient que c'est un prophète. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. Et le hadith, donc, il dit, Ibn Kathir, il a une base établie, et il y a des ajouts, il y a quelques termes dedans, autres que ça, c'est-à-dire, sans doute, il veut parler de ce qui est cité de Bilal dans le hadith. Donc, le hadith, il ne l'a pas cité entièrement, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, on va le lire, inshallah. Il est dans le Jami' al-Tirmidhi, et l'imam al-Wadi'i, rahimahullah, l'a cité dans le Jami' al-Sahih. Donc al-Tirmidhi dit: حدثنا الفضل بن سهل بن أبو العباس الأعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه. Donc le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. Donc Abu Talib est parti au Sham avec le prophète صلى الله عليه وسلم et des chefs de Quraysh. فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم. Et lorsqu'ils arrivèrent à côté de ce moine, ils firent halte. فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. Et donc le moine sortit les voir. Et avant ça, à chaque fois qu'il faisait ce voyage, il passait à côté de lui et il ne se souciait pas d'eux. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc alors qu'ils installaient leur campement, le moine est passé au milieu d'eux jusqu'à venir au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et il prit sa main et il dit: هذا سيد العالمين, celui-ci est le seigneur de l'univers. Alors c'est le mot سيد, Sayyid qui est utilisé, hein, puisqu'en français seigneur de l'univers, vous allez penser à Rabbul Alamin. Sayyidul Alamin, c'est-à-dire le maître, le chef de l'univers, des Alamin. Hada Rasul Rabbil Alamin, c'est le messager du seigneur de l'univers. Yab'atuhu Allah rahmatan lil Alamin, Allah va l'envoyer comme miséricorde pour les mondes. Donc il a fait la bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال له الشيخ من قريش ما علمك. Et donc les gens de Quraysh lui dirent: qu'est-ce que t'en sais? فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا. سبحان الله. ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. Donc il répondit: vous n'êtes pas passé à côté d'un arbre ou d'une pierre sans qu'il tombe prosterné. Et il ne se prosterne que pour un prophète. Je reconnais le sceau de la prophétie sous son épaule, semblable à une pomme. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه. Puis donc il leur prépara un repas et lorsqu'il vint leur apporter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les chameaux et donc le moine leur dit envoyez quelqu'un le chercher. فأقبل وعليه غمامة تذله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة فلما جلس مال في الشجرة عليه. Il arriva et il y avait un nuage qui lui faisait de l'ombre. Et lorsqu'il se rapprocha des gens, ils étaient déjà à l'ombre de l'arbre. Et lorsqu'il s'assit, l'ombre de l'arbre était déjà prise, tout l'endroit où il y avait l'ombre de l'arbre. Et lorsqu'il s'assit, l'ombre de l'arbre pencha vers lui, voilà de son côté. فَقَالَ أُنْذُرُوا إِلَى فَيِّ الشَّجَرَ مَا لَا عَلَيْهِ. Donc le moine il dit, regardez comment l'ombre de l'arbre a été vers lui. قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَشِّدُهُمْ أَنْ لَيَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ. Donc le moine leur parla et les exhorta à ne pas aller chez les Romains. فَإِنَّ الرُّومِ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَ. Car il leur dit que si les Roms le voyaient et reconnaissaient sa prophétie, ils voudraient le tuer. فَالْتَفَتْ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ. Et en se retournant, il vit sept Roms et il alla à leur rencontre et dit qu'est-ce qui vous amène. قَالُوا جِئْنَا إِنَّ هَذَا النَّبِيِّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ فَبُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا. Donc ils répondirent, nous sommes venus car il y a ce prophète qui va sortir ce mois-ci et il y a des gens qui ont été envoyés sur toutes les voies et nous avons été informés de lui, de sa venue et nous avons été envoyés sur ta route à toi. فَقَالَ هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ. Ils disent que vous allez laisser derrière vous quelqu'un qui est meilleur que vous. قَالُوا إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيقِكَ هَذَا. Ils disent, nous n'avons été informés de lui que sur ta route-ci. قَالَ فَرَأَيْتُمْ أَمْرًا رَضَى اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ. قَالُوا لَا. Donc il leur dit, est-ce que vous pensez qu'une chose qu'Allah veut accomplir, est-ce que quiconque parmi les gens pourrait l'empêcher? Ils dirent non. قَالَ فَبَيَّعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ. Donc ils lui prêtèrent serment d'allégeance et restèrent avec lui. قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَيُّكُمْ وَلِيُّ. Il leur dit, qui d'entre vous est son wali? قَالُوا أَبُو طَالِبُ. Ils dirent Abu Talib. فَلَمْ يَزَلْ يُنَشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبُ. Donc il n'a pas cessé de l'exhorter jusqu'à ce que Abu Talib le renvoie. وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا وَزَوَدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ. Et Abu Bakr a envoyé avec lui Bilal, donc ça c'est la partie dont je parlais, et le moine lui donna des gâteaux et de l'huile. Donc Cheikh Moubil, rahimahullah, dit ذِكْرَ أَبِي بَكْرَ وَبِلَالِ فِي الْحَدِيثِ وَهْمٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ فِي تَرْجُمَةِ بُحَيْرَ الرَّاهِبِ وَكَمَا قَالَ الْجَزَرِي كَمَا فِي تَحْوَةِ الْأَحْوَذِ. Donc il a dit, le fait de citer Abu Bakr et Bilal dans le hadith, c'est une erreur. C'est une erreur dans des rapporteurs. Comme l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar dans l'Isaba. Dans la Tarjuma, donc Al-Isaba qui cite les Sahaba, il a cité ça dans la biographie de Buhayra al-Rahib. Il l'a placé parmi ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Albani, rahmahullah, a également authentifié le hadith en disant que c'est Munkar. La citation de Bilal, que Bilal est reparti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.